Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Un drame qui a endeuillé Marseille. Le 5 novembre 2018, 8 Marseillais mouraient dans l'effondrement de 2 immeubles insalubres. Depuis, les évacuations d'immeubles se poursuivent, mais le dispositif de relogement est à la peine. Je sais pas si en France ou en... je sais pas. Si on fait des évacuations comme ça, ça veut dire les pompiers arrivent, vous avez 10 minutes, vous dégagez quoi. En gros, c'est vous dégagez quoi. Donc l'immeuble, il a tenu toutes ces années, ils ne peuvent pas regrouper leurs souvenirs, les affaires des enfants ou pas. Deuxième truc, ils se retrouvent dans un hôtel, et puis on leur fait tout en fait. On vous bouge d'hôtel, on vous met dans un hôtel qui est à une heure de votre boulot ou de l'école des enfants. Voilà, c'est tout le temps du non-respect, tout le temps. C'est ça qui les choque le plus en fait, les locataires, de ne pas être entendus, de ne pas avoir été vus. Voici ce qui reste désormais des immeubles de 4 et 5 étages tombés hier. Vu du ciel, un trou béant. Deuxième nuit, près de 48 heures après l'effondrement de cet immeuble, les équipes de secours se relaient sans discontinuer pour fouiller les gravats. 9 appartements sur 12 étaient habités et cet immeuble avait fait l'objet d'expertises, de travaux. Ce sont donc au total les corps de 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes qui ont été retrouvés. Bonjour Étienne Tabag. Bonjour. On vient d'entendre un extrait de l'enquête que vous avez consacrée à ce drame de la rue d'Aubagne à Marseille, une série dans votre podcast intitulé Splash. Alors, au début, lorsque ce drame est arrivé, on a bien entendu incriminé les marchands de sommeil. Avait-on raison ? En partie, oui, puisque effectivement, les marchands de sommeil prolifèrent à Marseille. Alors déjà, il faut définir ce qu'est un marchand de sommeil, et c'est là que ça se complique déjà, puisque cette notion n'est pas une notion juridique, ce n'est même pas une notion scientifique utilisée par exemple, des sociologues ou des politistes. C'est une notion qu'on utilise dans le langage commun et qui recouvre un nombre de situations assez diverses. Donc ce sont des propriétaires qui louent des logements qui sont en mauvais état à des locataires qui ne se plaignent pas ou qui ne font pas appel aux services municipaux pour résorber la situation, pour améliorer la situation. Alors, qui sont ces propriétaires qui laissent leur logement pourri ou en mauvaise situation ? En fait, vous avez plusieurs situations. Première situation, vous avez ceux et celles qui font pas très attention, qui savent pas forcément dans quel état est leur logement. Ils récupèrent le loyer chaque mois, ça leur convient, ils font pas attention. Et donc c'est plus de l'indifférence ou une situation où on fait pas très attention. Il y a aussi ceux qui savent, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour véritablement rénover leur logement et qui se contentent de la situation en espérant que le logement ne se dégrade pas plus. Et puis il y a ceux qui sont vraiment les gens sans scrupules et qui en font leur business et qui véritablement exploitent la misère. Et donc eux, ce sont vraiment les marchands de sommeil qui posent problème, qui sont le cœur de cible des élus politiques lorsqu'ils ont dénoncé les marchands de sommeil après l'effondrement des 2 immeubles rue de Bagne. Alors, vous l'avez évoqué, Étienne Tabag, il y a bien entendu des immeubles insalubres, il y en a beaucoup d'ailleurs dans le centre de Marseille. Vous évoquez aussi des véreux, notamment un flic véreux qui possède, c'est à peine croyable, qui possède un certain nombre d'appartements et il vient prélever les loyers avec une arme, ce qui est toujours sympathique et qui montre un peu l'ambiance dans laquelle tout cela se déroule. Oui, voilà, parmi ces personnes véreuses qui exploitent la misère, donc vous avez toutes sortes de professions. Donc c'est des journalistes qui ont fait leurs enquêtes qui l'ont révélé, que ça pouvait être des dentistes, des médecins, des avocats, parfois des notaires, des gens qui habitent en Indonésie mais qui continuent à avoir des logements à Marseille en très mauvais état, à les louer à des pauvres gens qui n'ont pas les moyens de se révolter. Et effectivement, pour pas être repéré par les autorités publiques, qu'elles soient mairie, état, ministère, etc., ils récupèrent l'argent au noir et ils engagent des gros bras pour aller récupérer le loyer à chaque fin de mois auprès de ces pauvres locataires. Et donc ce sont des situations extrêmement traumatisantes pour les locataires qui vivent dans des conditions extrêmement vétustes. Un logement qui est insalubre avec des fuites d'eau, en situation presque de péril, avec des grosses fissures au mur, et en plus qui sont menacés chaque fin de mois pour récupérer les loyers. Donc situation très, très traumatisante pour les locataires. Oui. Alors, donc ça c'est la situation en quelque sorte idéale, typique. Mais la réalité est plus complexe. Car on se rend compte en vous suivant, en suivant l'enquête que vous avez menée, Étienne Tabag, qu'il y a en réalité beaucoup de propriétaires qui sont des propriétaires pauvres et que la proportion de ces propriétaires pauvres à Marseille explique la dégradation des copropriétés. Autrement dit, ils ne font pas ça pour nuire ou par cupidité, mais parce que ils ont été finalement dans une situation où ils sont devenus propriétaires et ils n'ont pas les moyens de maintenir l'état de l'appartement et de l'immeuble dans lequel ils vivent ou qu'ils louent. Voilà, c'est très spécifique à Marseille. Il faut refaire un peu l'histoire de Marseille pour comprendre comment ou pourquoi il y a autant de propriétaires qui ont des faibles revenus à Marseille. En fait, ça date de la crise des années 60, 70, 80. Donc Marseille est touchée de plein fouet par la crise industrielle et par la crise portuaire. Donc de nombreuses usines ferment leurs portes ou se délocalisent. Et la situation est tellement délicate à Marseille années 80 que la ville perd des habitants. Il y a 100 000 habitants qui partent de Marseille des années 70 aux années 90. Donc les prix de l'immobilier chutent énormément et devient très abordable. C'est assez facile d'acheter un logement en mauvais état en centre-ville à Marseille. Et ça permet à des familles, à des ménages qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, qui ont un petit SMIC ou même pas, de réussir à acheter des appartements. Donc ils achètent ces appartements et on a un taux de propriétaires occupants à Marseille qui est bien plus élevé que dans les autres grandes villes de France et aussi un taux de propriétaires qui ont des faibles revenus, qui est aussi là beaucoup plus important que dans les autres grandes villes de France. Et effectivement, donc ils ont un petit peu d'argent pour essayer d'aménager leur appartement comme ils le souhaitent, mais ils n'ont pas assez d'argent pour rénover la toiture, refaire la façade, rénover le hall d'entrée, donc pour entretenir le bâti. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec beaucoup de bâtiments dans le centre-ville de Marseille, occupés par de nombreux propriétaires avec des faibles revenus qui n'ont pas les moyens d'entretenir le bâti. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bâtiments fragiles en situation de péril à Marseille. Est-ce que la rue d'Aubagne appartenait à l'un ou à l'autre de ces cas, d'ailleurs, Étienne Tabag? Parce que ce que vous rappelez, c'est la grande diversité sociologique des gens qui sont morts dans cet immeuble. Alors oui, sur les deux immeubles, en fait, il y a un immeuble qui appartenait à la mairie, qui avait été acheté par la mairie il y a 10-15 ans et qui souhaitait, on ne sait pas très bien quel projet ils avaient avec ce logement, peut-être le revendre à quelqu'un, un promoteur immobilier pour le rénover, ou peut-être faire un projet de rénovation du quartier, on ne sait pas bien, on a beau interroger les élus concernés, ils ne répondent pas vraiment. Et le deuxième immeuble à côté, effectivement, c'était une copropriété avec que des locataires à l'intérieur, et parmi ces locataires, vous aviez effectivement un étudiant en thèse, vous aviez un petit travailleur qui travaillait dans la restauration, vous aviez une mère de famille qui vivait de prestations sociales avec ses enfants, vous aviez des artistes un peu âgés qui avaient des faibles revenus issus de leur activité. Il y a effectivement une vraie diversité parmi ces 8 victimes, oui. Et lorsque l'on voit donc cette diversité, on se dit finalement que on a affaire à un phénomène qui est plus compliqué, on l'a dit, que celui des marchands de sommeil. Par ailleurs, la mairie, et c'est cela aussi qui est intéressant, parce que on se dit finalement, lorsqu'il y a une copropriété dégradée, on peut avoir des propriétaires, qu'ils soient habitants ou qu'ils louent leur logement, on peut avoir des copropriétaires qui n'ont pas les moyens de faire les travaux dans ces bâtiments. Et ce que vous expliquez, Étienne Tabag, c'est que la mairie a un fonds pour faire ses travaux à la place des propriétaires. Oui, effectivement. Alors, si on reprend tout le processus, on va dire administratif, si vous êtes locataire dans une situation délicate, vous voyez qu'il y a des moisissures, vous voyez qu'il y a des grosses fissures, vous avez le droit d'appeler les services municipaux. Donc soit les services d'hygiène et de santé pour les moisissures, soit le service de risque pour le risque de péril. Ensuite, donc, ce sont ce qu'on appelle des signalements téléphoniques. Et la mairie peut envoyer sur place des inspecteurs inspectrices pour vérifier l'état des lieux. Et si jamais effectivement le danger est grave et imminent, ils peuvent obliger les propriétaires à faire des travaux. Et si les propriétaires prouvent qu'ils n'ont pas les moyens de faire ces travaux, la mairie peut utiliser des fonds pour faire les travaux à la place du propriétaire. Et donc ces fonds existent depuis très longtemps à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Ils sont seulement très récents à Marseille, seulement depuis 2014. Et ils n'ont jamais ou quasiment jamais été utilisés par la mairie de Marseille. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'analystes, d'enquêteurs estiment que la mairie de Marseille est clairement responsable de la situation. Elle aurait pu agir, mais elle n'a quasiment pas agi comme elle aurait pu le faire. Et puis il y a la faute à la malchance, si j'ose dire, Étienne Tabac, parce que ce que vous expliquez, c'est que donc les sommes disponibles pour la réhabilitation des logements n'ont pas été utilisées et les différents services qui normalement auraient dû être en charge de cette question, eh bien, ont été désorganisés. Oui, ça c'est effectivement quelque chose que j'ai découvert dans cette enquête, c'est que quand on interroge, alors soit des employés dans ces services municipaux qui ont accepté de parler en off mais qui ont refusé que leur interview soit diffusée dans mon documentaire, soit ceux qui ont travaillé avec service, c'est que c'est une désorganisation complète. Les gens n'étaient pas correctement formés pour évaluer correctement si le bien était véritablement présenter le risque de s'effondrer ou non. Soit les gens n'avaient pas les équipements nécessaires pour mesurer correctement la moisissure, la présence de rats par exemple dans les logements. Et les équipes ne sont pas suffisamment nombreuses pour réussir à prendre tous les signalements. Donc clairement, la mairie de Marseille n'a pas mis les moyens suffisants pour former, équiper et étoffer les équipes pour faire leur travail correctement. Et alors donc, aujourd'hui, plus d'un an après ce drame de la rue d'Aubagne, Étienne Tabac, quelle est la situation de ces logements qui posent problème à Marseille? Il y a eu énormément de personnes qui ont été évacuées suite à cette catastrophe. Oui, effectivement, suite à la catastrophe, donc il y a eu effectivement un phénomène de panique tout à fait compréhensible de la part des locataires qui tout d'un coup se disent « Ah oui, mais la fissure qui est là, la moisissure qui est dans le coin de ma salle de bain, peut-être aussi que c'est grave et peut-être que je suis concerné aussi par un possible effondrement. » Donc il y a eu une multiplication des appels au service de la mairie. Et là, la mairie, devant la gravité de la situation, a dû employer de très nombreux moyens pour répondre à ces appels, faire des visites le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de nouveaux effondrements, et donc évacuer de très nombreux locataires. On estime que 4000 personnes ont été évacuées environ en un an. Alors 3000 sont la mairie, mais 4000 sont les associations. Et donc il a fallu ensuite reloger ces populations, hein, puisqu'une évacuation, grosso modo, comment ça se passe? Il y a un risque d'effondrement, donc évidemment on laisse pas les gens dormir une nuit de plus dans leur logement, et les pompiers arrivent et vous donnent 10 minutes pour prendre 3-4 affaires, et ensuite vous logent dans un hôtel quelques heures plus tard. Donc vous prenez quelques affaires, vous savez pas trop quoi prendre, vous savez pas combien de temps vous allez rester à l'hôtel, vous espérez que c'est 2 semaines, puis parfois ça dure 3-4 mois, vous prenez quelques affaires pour vos enfants, pour votre compagne, votre compagnon, et vous vous retrouvez avec des affaires mais insuffisantes à l'hôtel, vous avez rien pour cuisiner, pour changer de vêtements ou très peu, vous avez rien en termes de jeux pour les enfants, pour les occuper, et donc la situation à l'hôtel devient très très vite très dur à vivre en fait. Et donc c'est extrêmement traumatisant ce qui s'est passé pour très nombreux locataires qui ont été évacués. Ils perdent leur logement, ils perdent leurs affaires, ils n'ont pas grand-chose à l'hôtel pour vivre normalement. Ils se retrouvent très loin de chez eux, parfois les hôtels sont très loin de leur quartier d'origine. Et donc ça rajoute un traumatisme à un autre traumatisme qui était le fait de vivre dans un logement vétuste. Et alors ce qu'on se dit en suivant donc votre enquête, Étienne Tabag, c'est qu'il est particulièrement compliqué d'imaginer un véritable changement au centre de Marseille, puisque vous expliquez donc que le centre de Marseille s'est paupérisé, il y a eu la décolonisation, il y a eu un certain nombre de soubresauts qui ont fait que cette ville qui vivait du port vit de moins en moins du port, puisque le port de Marseille est aujourd'hui un port de seconde catégorie. Or, ces gens qui veulent habiter en centre-ville, ils ne peuvent pas profiter de logements sociaux parce que ceux-ci sont en nombre insuffisant. Bref, on voit que cela pose une problématique de centre urbain qui va être extrêmement compliquée de résoudre dans les prochaines années. Oui, voilà, vous avez raison de noter tout cela. Si on prend l'exemple des logements sociaux, on prend le quartier central, l'arrondissement central de Marseille, c'est le premier arrondissement bien sûr, et vous avez un taux de pauvreté qui est environ de 41% dans ce premier arrondissement, mais un taux de logements sociaux qui est seulement de 11%. Et donc vous avez effectivement de nombreux ménages, de nombreuses familles qui ont des faibles revenus et qui ne peuvent pas trouver de logement dans les logements sociaux et qui se retrouvent un peu à la merci de ces marchands de sommeil ou à devoir trouver un lieu un peu vétuste, insalubre, un logement indigne comme on dit maintenant dans le vocabulaire politique. Donc les logements sociaux c'est un vrai problème et effectivement il va falloir, si possible, hein, espérons-le, construire de nombreux logements sociaux là où les populations les plus modestes vivent. Et donc donc, mais c'est pas facile parce que le centre est déjà très dense. Donc, comment construire de nouveaux logements sociaux? Peut-être détruire des logements les plus vétustes pour en construire de logements sociaux, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, la première difficulté, c'est où est-ce qu'on construit des logements sociaux? Il y a de la place, mais pas partout. Ça, c'est évident. Et puis, deuxième difficulté, comment financer la rénovation de bâtiments qui commencent à vieillir alors que les propriétaires, les copropriétaires n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et là, il faut faire appel aux fonds, donc fonds européens, les fonds du ministère du logement, les fonds de la région. Et ça demande beaucoup de démarches administratives pour réussir à coordonner tous ces pouvoirs publics à différents niveaux, Bruxelles, Paris, la région, la métropole, etc. Et donc ça demande un gros travail de mobilisation de différentes ressources pour réussir à trouver ces fonds qui vont pouvoir au final rénover les bâtiments qui sont concernés par le logement indigne. Bon, mais ça va peut-être s'arranger si Jean-Claude Gaudin est réélu. Alors Jean-Claude Gaudin ne se présente pas en 2020. Il est il a 80 ans, il a fait 25 ans, il est élu en 95, donc là ça fait 25 ans de règne. Je crois que tout le monde en a marre et lui aussi se fait un peu trop vieux pour continuer son mandat. Et donc il y a plusieurs listes qui se présentent en mars prochain. Toutes les listes promettent des mesures d'urgence ou des mesures de fond pour améliorer l'habitat, qui est quand même l'un des grands enjeux de l'élection à venir dans 4 mois. Espérons que les candidats ne fassent pas seulement des belles promesses, mais concrétisent ces promesses et mobilisent suffisamment d'argent pour réussir à résoudre ce problème endémique à Marseille. Merci beaucoup Étienne Tabag. Alors, on retrouve votre enquête sur votre podcast, il s'appelle Splash, il est trouvable dans toutes les bonnes crèmeries et j'ai appris énormément de choses grâce à vous. Merci beaucoup et bonne journée à Marseille. C'est moi qui vous remercie, bonne journée à vous. Au revoir. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Valentin Bobinet à la technique et complètement ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. N'hésitez pas à m'envoyer vos critiques, suggestions et vos idées de Superfell à mon adresse mail guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell.